Maintenant, j'aimerais vous parler à nouveau des verbes porte-manteau. Les verbes porte-manteau sont des verbes auxiliaires qui portent un verbe à l'infinitif. Ils sont donc suivis d'un verbe à l'infinitif toujours placé à la fin de la phrase. Un verbe porte-manteau très important est « pouvoir ». Par exemple, dans « je peux le faire » ou « je peux » est suivi de l'infinitif « le faire ». Donc, dès qu'il y a un verbe porte-manteau, vous savez qu'un verbe à l'infinitif va généralement s'y accrocher, à la fin de la phrase. Que la phrase soit courte ou longue, peu importe, du moment que le second verbe, le verbe qui suit le verbe porte-manteau, est à l'infinitif et en fin de phrase. Donc, « je peux le faire » se dit « ich kann es tun ». On a le verbe à l'infinitif sans « zu », juste « tun ». Alors, comment dit-on « nous pouvons » ? Wir können. Wir können, oui. Et vous pouvez? Sie können. Sie können, oui. Sie können, qui peut aussi vouloir dire ils ou elles peuvent. Et pouvez-vous? Können Sie? Oui. Tandis que la forme pour je peux, ou il ou elle ou ça peut, sera? Kann, oui. Ich kann, er kann, sie kann, es kann. Alors, ça peut être prêt aujourd'hui. Ça peut. Es kann. Aujourd'hui. Heute. Fertig sein. Bien. Es kann heute fertig sein. Vous aviez commencé avec le porte-manteau kann. Et donc, il vous fallait finir avec un verbe à l'infinitif. Comment direz-vous « ça ne peut pas être possible ainsi » ? Es kann nicht. Es kann nicht. Voilà notre porte-manteau. Ainsi ? So. Es kann nicht so. Oui. Être possible. Möglich sein. Bien. Es kann nicht so möglich sein. Donc, avec un verbe porte-manteau, vous devez finir la phrase par un autre verbe à l'infinitif. Ici, c'est sein, être. Comment diriez-vous « je vais acheter ça demain si j'ai le temps » ? Je vais acheter ça demain. Ich werde es morgen kaufen. Ich werde es morgen kaufen. D'accord. Ich werde. Voilà encore un verbe porte-manteau qui porte le verbe acheter, kaufen. Donc, ich werde es morgen kaufen. Si j'ai le temps. De quel si s'agit-il ici? Wenn. Tout à fait. Wenn. Parce qu'ici, ce n'est pas le si qui pose indirectement une question, mais celui qui introduit une situation hypothétique. Wenn. Donc, si j'ai le temps, wenn. Attention, là, il se passe la même chose qu'avec weil. Wenn ich. Le temps. Die Zeit. Habe. Wenn ich die Zeit habe. C'est ça. Comment diriez-vous? Pouvez-vous me dire si vous pouvez le faire? Können Sie mir sagen? Bien. En effet, me dire correspond à dire à moi. Donc, können Sie mir sagen, pouvez-vous me dire, si vous pouvez le faire. Ob, oui, tout à fait. Donc ici, vous avez le si dans le sens de je ne sais pas si. Alors, si vous pouvez le faire, ob Sie es tun. Avec ob, il se passe la même chose qu'avec weil. Ob Sie es tun. Können. Bien. Sie können es tun. Vous pouvez le faire. Mais ob Sie es tun können. Si vous pouvez le faire. Et maintenant, comment diriez-vous j'aimerais savoir quand vous le ferez? Ich möchte wissen. Ich möchte wissen. Quand? Wann? Vous le ferez. Vous allez le faire. Sie es tun werden. Bien. Ich möchte wissen, wann Sie es tun werden. Können, pouvoir, est un verbe portemanteau très employé en allemand. Alors voyons, comment dit-on comprendre? Verstehen. Verstehen, oui. Et donc, je ne vous comprends pas, ça sera? Ich verstehe Sie. Oui, ich verstehe Sie nicht. Bien, ich verstehe Sie nicht. C'est je ne vous comprends pas. Ich verstehe Sie nicht. Mais au lieu de conjuguer verstehen, vous pouvez aussi employer un verbe portemanteau. Donc, au lieu de je ne vous comprends pas, ich verstehe Sie nicht, vous direz je ne peux pas vous comprendre. Et vous utiliserez le portemanteau kann, ce qui donne Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Ici, vous avez un verbe portemanteau. Donc, vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour réfléchir à la forme que doit prendre le verbe qui suit. Parce que dès que vous avez un verbe portemanteau, ici, kann, vous savez que vous devez terminer la phrase avec un infinitif. Donc, verstehen. Oui, ich kann sie nicht verstehen. Encore une fois, il n'y a pas de doute à avoir. Dès que vous utilisez un verbe portemanteau, vous devez placer un verbe à l'infinitif, à la fin. Sans le verbe portemanteau, bien sûr, là, il faudrait réfléchir à la forme que prend le verbe. Par exemple, après « ich », vous devez savoir que l'on ne dit pas « ich verstehen », mais « ich verstehe ». Ou que pour « il comprend », on dit « er versteht ». Er versteht, oui. Et donc, il ne comprend pas, er versteht nicht. Mais si vous avez un verbe portemanteau, vous pouvez dire sans problème, il ne peut pas comprendre cela. Er kann es nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, très bien. Er kann es nicht verstehen. Vous voyez, vous n'avez pas à réfléchir. Il vous suffit de placer le verbe à l'infinitif à la fin de la phrase et c'est tout simplement verstehen.